Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, qu'est-ce que la justice participative ? La justice participative, elle offre différents modes de prévention et de règlement des différends. Dans un premier temps, la médiation. C'est une forme de résolution de conflits qui passe par l'exploration de solutions et non par la recherche de qui a raison et de qui a tort. La première condition pour qu'une médiation puisse avoir lieu est que toutes les parties doivent accepter et choisir ce processus de médiation. C'est-à-dire qu'elles acceptent qu'une autre personne, un tiers neutre et impartial, appelé médiateur, les aide à trouver une solution à leurs différends. La médiation peut avoir lieu même si une demande en justice n'a pas été déposée. Ensuite, il existe le droit collaboratif. Il est encore peu connu et peu utilisé et est souvent confondu avec la médiation. C'est cependant une méthode de résolution des conflits bien distincte et qui a fait ses preuves. Ce droit collaboratif nécessite que les personnes impliquées dans un conflit et leurs avocats s'engagent, à l'avance et par contrat, à trouver une solution satisfaisante sans avoir recours aux tribunaux, faute de quoi les avocats se retireront du dossier. Les parties doivent également dévoiler toute l'information nécessaire à la résolution du conflit et signer une clause de confidentialité. En mode de droit collaboratif, les séances de négociation peuvent avoir lieu entre les personnes impliquées, en présence de leur avocat, mais aussi entre avocats seulement. Ensuite, il existe la négociation. La négociation fait partie du quotidien de tous. Vous négociez régulièrement avec votre conjoint, vos employeurs, vos enfants lorsque vous faites des affaires, et vous convenez d'entendre dans la plupart des cas. C'est sur cette base que le système de justice utilise aussi les techniques de négociation. La négociation est la base de tous les modes de règlement des litiges. Elle consiste à tenter de conclure une entente avec l'autre partie en discutant et en acceptant de faire certains compromis. Tout au long du processus judiciaire, vous pouvez négocier avec la partie adverse. Vous pouvez même entamer la négociation avant qu'une demande soit déposée en justice. Dans plusieurs cas, la négociation peut mener à un règlement hors du tribunal. Si tel est le cas, assurez-vous que les détails et les conditions de l'entente soient inclus dans un écrit signé par toutes les parties. Enfin, il existe la conciliation et la conférence de règlement à l'amiable. La conciliation ressemble beaucoup à la médiation, mais le conciliateur ne propose généralement pas de solution comme le fait le médiateur. Dans le cadre d'un recours judiciaire, il arrive qu'un juge joue le rôle de conciliateur au cours d'une audience spéciale appelée conférence de règlement à l'amiable. Une conférence de règlement à l'amiable peut être tenue à n'importe quelle étape du processus judiciaire si deux conditions sont réunies. Une demande en justice doit avoir été déposée et les deux parties doivent y consentir. Alors si j'opte pour l'un de ces modes de prévention et de règlement des différends, est-ce que je perds mon recours devant les tribunaux ? Non, les modes de prévention et de règlement des différends ne vous font pas perdre votre recours devant les tribunaux. À tout moment, vous pouvez y aller. Le procès est le dernier recours. Cela signifie que les parties n'ont pas réussi à s'entendre ou ne souhaitent tout simplement pas essayer de s'entendre et souhaitent qu'un juge tranche. Le procès se définit comme le processus permettant aux parties qui vivent une situation problématique de soumettre leurs arguments et leurs preuves à un juge qui rendra une décision. Dans ce processus, c'est le juge qui décide. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.